baiser, combustion spontanée, croustillant en flamme. Et pas de confusion, mais des confessions sur le brasier. Je veux baiser sous l'effet de la rapta, être sous les feux de la rampe, briller de mille feux dans le rap, j'écris avec du magma. Programme, on se propage, salope, caresse-moi. Flow, flamme, grosse phase, plus le charisme. Je veux pas finir chariste ou dans une boîte d'échangistes, mais dans le din avant de finir en cendre, fils, chante vite. Est-ce que tu sens le rythme et l'emprise, le sang pisse de tes oreilles, mais on s'en fiche, on te prend en sandwich. C'est chaud devant, bitch, joue pas avec le feu. J'fume, j'parle peu et j'combats le feu par le feu. Gros, c'est fou, lec. Mais c'est pas des foutaises, des coups de chaise dans le crâne, on t'envoie cramer dans les fournaises. Si tu vois flou, mec, tu vas pas faire long feu. Et si t'es un fin gourmet, tu vas sucer des longues queues. Alpha Lima Kappa Alpha, Rose V, je vous reçois à 5 sur 5. Quelle est votre position? 9-1, latitude, banlieue sud. Vous recevez? Est-ce que vous recevez? Mission, c'est pour l'album du général Alta. Soyez prêts à le recevoir. Terminé.